Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 4. Fall River, Massachusetts. Un vol de divers meubles et effets, pour une valeur de 500 $, a été commis samedi pendant la nuit dans la maison de Mme E. A. Hathaway, rue Middlesex. Les directeurs de la manufacture Pocasset ont eu une réunion à Boston samedi et ont élu Stephen Devol, président, en remplacement de M. Samuel Rodman, actuellement en Europe, et qui a donné sa démission. On se plaint de la grande portion de l'élément grossier et sans éducation que possède Fall River. Il y a certaines personnes qui attribuent cela à la surabondance des débits de boissons fortes. Deux individus, en tenant de trop et se comportant comme des hommes mal élevés, dans les chars urbains, lundi dernier, ont été arrêtés et conduits en prison par le conducteur, qui fait partie de la police de la ville. Lundi dernier, le comité d'inspection des bâtiments publics a fait l'inspection de toutes les maisons d'école et les a trouvées en bon ordre. L'augmentation de la fréquentation des écoles a lieu principalement dans les quartiers industriels et où la classe ouvrière a ses logements. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.